Bon matin. L'air de quoi si tu sais pas chanter l'hymne de ton club? Allez quoi! C'est nous les supporters! Avec 90% des élèves remotivés après un stage Academia, il va falloir trouver d'autres sujets d'engueulade que les notes. Nos stages de révision améliorent la méthodologie et la confiance des élèves pour passer sereinement dans la classe supérieure. Plus d'infos sur academia.fr. Academia, le plaisir de réussir. La science CQFD, Antoine Beauchamp. La médecine suit des principes universels de soins, mais nos particularismes et la diversité dont sont faites nos sociétés posent aujourd'hui la question suivante. Notre pratique médicale prend-elle suffisamment en compte la diversité ? Dans la population générale, on peut observer des disparités de prévalence de certaines maladies en fonction de variations génétiques liées par exemple à une origine géographique commune. Dans ce contexte, la médecine et ses traitements appliquent des protocoles adaptés au plus grand nombre, mais la question de l'ajustement de nos pratiques de soins à la diversité se pose, accompagnée d'autres interrogations. Quelles sont les maladies ayant une plus grande prévalence suivant l'origine génétique des individus? Comment mieux diagnostiquer et mieux soigner ces pathologies? Et faut-il adapter les traitements à ces prédispositions génétiques? Médecine et diversité, la santé sans frontières. Bonjour Antoine Mahé. Bonjour. Vous êtes professeur conventionné et directeur du DU Médecine de la Diversité à l'Université de Strasbourg. Bonjour Estelle M. Dietrich. Bonjour. Vous êtes maître de conférence des universités, praticien hospitalier en pharmacologie à l'Université de Strasbourg, où vous intervenez également dans le DU Médecine de la Diversité. Et bonjour Benjamin Chaigne. Bonjour. Vous êtes médecin, maître de conférence des universités, praticien hospitalier du service de médecine interne de l'hôpital Cochin, spécialiste des maladies auto-immunes. Bienvenue à tous les trois et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez évidemment, comme chaque jour, consulter tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site internet de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte X @ScienceCQFD. Alors je le disais, si l'immense majorité des maladies touche toutes les populations de façon indistincte, il arrive dans certains cas que des différences génétiques liées à une origine géographique commune provoquent certains types de maladies. Comment se pose alors la question de l'adaptation de la réponse médicale à cette diversité? Avant d'entamer cette discussion, on commence avec une archive qui illustre un aspect de la réflexion qui va nous occuper aujourd'hui. Il s'agit d'un extrait du journal télévisé de France 3 Grand Est de 2021. Place au dossier de cette édition. Il est consacré à la santé des peaux foncées et noires qui ont leurs particularités. Difficile de trouver des dermatologues spécialisés. Il en existe pourtant un en Alsace. Il a d'ailleurs initié un diplôme d'université intitulé « Médecine de la diversité », une formation unique en France. Charlotte Rothéa, Anna Strobel. Chaque matin, sans exception, le même rituel. Charlotte Ameignalo se maquille jusqu'à ce que les imperfections de sa peau soient invisibles. C'est des taches d'acné qui partent pas depuis l'adolescence. J'ai tous les traitements que j'ai essayés n'ont pas réussi à les enlever. Originaire du Togo, dès son arrivée à Strasbourg, elle a pris rendez-vous chez un dermatologue qui ne connaît pas les produits adaptés à sa peau. S'en suivent une dizaine de déceptions. Après, à force de chercher, je pose la question directement. Vous connaissez un peu la peau noire? Parce que je suis d'origine africaine, me disent non. Donc moi, je gagne du temps et je gagne de l'argent. Voilà, il est question dans cette archive d'un mystérieux dermatologue. Ce dermatologue, c'est vous, Antoine Mahé. On ne va pas faire durer plus longtemps le suspense. Pourquoi est-ce que la dermatologie est particulièrement concernée par ces questions liées à une meilleure prise en charge de la diversité, meilleure prise en charge d'ordre médical? Voilà. Eh bien, déjà, je pense qu'il est assez naturel de comprendre, assez facile de comprendre que plus la pigmentation de la peau est importante, plus la peau est foncée, ce qu'on appelle un petit peu naïvement la peau noire, hein, qui n'est pas réellement noire, mais en tout cas, plus il y a de pigments, plus certains symptômes de dermatologie vont être difficiles à évaluer, auxquels on serait habitué sur peau claire, on va dire peau blanche. Par exemple, la rougeole, c'est une maladie qui se caractérise sur peau blanche par une rougeur assez profuse, qu'il est beaucoup plus difficile de voir sur peau noire. Alors, ce n'est pas une difficulté insurmontable. On peut faire le diagnostic de rougeole sur peau noire, mais il faut être vigilant par rapport à d'autres symptômes, peut-être qui seraient considérés comme mineurs sur peau blanche, et donc pour arriver au bon diagnostic. Et ce que signalait la patiente en l'occurrence, qui a été interviewée lors de l'émission de France 3 il y a quelques années, c'est elle fait référence à une autre problématique de la peau noire, c'est la fréquence des taches. L'acné sur peau blanche n'a pas de taches, ce sont des rougeurs, des petits points noirs, des choses comme ça, mais sur peau foncée, à partir d'un certain phototype, on a justement des taches qui représentent la demande principale des patients, et le fait est que tous les dermatologues ne sont pas forcément sensibles ou formés à cette problématique de la pigmentation au cours de l'acné et d'autres problèmes. Benjamin Chaigne, là, on a un aspect, un cas un peu typique avec la dermatologie, d'une certaine façon, d'une mauvaise formation des dermatologues à certaines spécificités. Comment est-ce que vous entendez cette archive-là et qu'est-ce qu'elle vous évoque? Ce qu'elle m'évoque, c'est parfois les difficultés de cicatrisation qu'on peut voir sur des peaux pigmentées, avec parfois des malades qui cicatrisent moins bien. Et ça, nous, ça, on est directement parfois impliqués, puisque lorsqu'on fait des gestes diagnostiques qui peuvent impliquer des biopsies, il faut qu'on se pose la question, est-ce que ce geste est parfaitement indiqué? Parce que cette cicatrisation, peut-être, sans qu'on puisse le prévoir, sera moins bonne. C'est l'exemple que ça m'évoque. Alors, on va pas faire une émission spécialisée dans le domaine de la dermatologie, mais ça nous permettait de rentrer dans notre sujet. Estelle Amietrich, quand on parle voilà de différentes origines ethniques, de prise en compte en tout cas de ces différences-là dans les études médicales, il faut rappeler que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Et par exemple, les pays anglo-saxons qui, eux, ont beaucoup plus facilement recours à des notions comme l'ethnie, la race dans leur recensement, par exemple, vont de fait prendre en considération ces concepts dans leur recherche scientifique, dans leur recherche médicale, alors que, par exemple, en France, cette notion d'ethnie, d'appartenance ethnique, en tout cas, est de l'ordre de l'information personnelle et donc juridiquement ne peut pas être utilisée dans le domaine des sciences, sauf dans de très rares exceptions. Finalement, là, on a vraiment... On est confronté à ces distinctions fortes en matière de recherche médicale. Et comment est-ce que finalement on peut, dans de très rares exceptions, prendre en considération ces questions d'origine, par exemple en France, pour mener à bien des recherches médicales? Alors du coup, pour répondre à cette question, plutôt que de prendre en compte l'origine ethnique qui est en effet considérée comme quelque chose de personnel et pour lequel les comités de protection des personnes ont du mal à autoriser l'accessibilité à ce genre d'informations pour ne pas stigmatiser les populations, on va passer par la recherche de polymorphisme génétique. Puisqu'ils sont associés à des modifications enzymatiques qui vont être impliquées dans la variabilité de réponse aux traitements médicamenteux. On va parler bien sûr en détail de ces polymorphismes génétiques à l'œuvre dans certaines pathologies qui surviennent plus chez certains groupes de population que dans d'autres. Antoine Mahé, si on reste dans des considérations un peu d'ordre général, est-ce qu'aujourd'hui la question de l'inclusion, de cette question de la diversité dans le diagnostic et la prise en charge médicale se pose de façon plus intense que par le passé? Et si oui, comment on l'explique? Alors, elle se pose évidemment de façon plus fréquente qu'autrefois, et ça, c'est lié à la diversité croissante des populations. Par rapport à l'enseignement de la médecine que j'ai reçu il y a un certain nombre d'années, que je tairai par pudeur, c'est sûr que les populations auxquelles on a couramment affaire ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Et donc, il y a une adaptation qui est nécessaire, en sachant quand même, et ça c'est une notion sur laquelle je veux insister, globalement, le corpus médical est identique pour tous les individus, quelle que soit l'origine. Et donc, c'est vrai que sur certains points, comme la dermatologie, comme d'autres points, parfois des données de pharmacogénétique, il peut y avoir des différences auxquelles il faut être sensibilisé et qu'il faut connaître, mais globalement, l'exercice médical reste le même. Et ça, c'est une notion très importante. Il y a quand même une universalité du corps humain et de la biologie médicale. Bien sûr, et mais ça... ceci étant, Il y a des notions adaptées. Ça, Benjamin Chaigne, on est d'accord là-dessus. C'est vrai que ce sujet est un sujet un petit peu marginal. On ne parle pas, la médecine est la même pour tout le monde. Les maladies touchent tout le monde de la même façon dans 99% de cas. Nous, on va s'intéresser à ce petit pourcent qui reste et on va se poser la question finalement de comment est-ce qu'on y répond de façon aussi, aussi pratique que possible. Nous, dans les maladies auto-immunes, on fait parfois de la recherche sur des anciens registres sur lesquels l'origine géographique pouvait être autorisée. Et donc, on a des éléments de recherche sur les origines géographiques qui permettent de voir un peu ces éléments de diversité. Pour autant, je suis tout à fait d'accord que le principe d'universalité, il est majeur et extrêmement important dans la prise en charge de nos patients. Et c'est ce qui guide notre pratique quotidienne. Je pense qu'il faut faire une différence sur l'universalité dans la prise en charge et parfois dans les questions de recherche avec des questions spécifiques qui sont posées. Est-ce que la prise en compte de l'origine ethnique, géographique, met en avant différentes prévalences, différents symptômes, différentes gravités dans certaines maladies? Alors justement, puisqu'on va parler de ces quelques cas, de certaines maladies qui vont toucher certains groupes de population plus que d'autres, est-ce qu'on pourrait, si vous le voulez bien, Estelle Dietrich, cibler quelques types de pathologies ou en tout cas des archétypes de maladies qui vont toucher certains groupes de population en particulier et expliquer les raisons pour lesquelles ces maladies-là vont toucher un groupe de population, un groupe de personnes données? Alors, plus que d'identifier des sous-groupes en fait de populations qui vont toucher une maladie donnée, nous, ce que l'on sait, c'est que la réponse aux médicaments est variable et que cette variabilité peut provenir de variants, de modifications génétiques qui vont influencer l'exposition aux médicaments dans la population générale. Alors peut-être avant de parler de la réponse à un traitement donné, je vais reposer la question à vous, Antoine Mahé, sur cette question. Est-ce que de la même façon que certaines différences génétiques, par exemple, ont conduit certaines populations à être plus intolérantes, par exemple, au lactose ou à moins bien tolérer l'alcool, est-ce qu'il existe des variations génétiques en cause dans la sensibilité plus ou moins grande à certaines maladies et donc ensuite à certains traitements? Tout à fait. Je vais en citer deux, une qui concerne les populations d'Afrique subsaharienne et une qui concerne les populations européennes. La drépanocytose est une maladie qui est observée dans toutes les zones où historiquement il y a eu ou il y a beaucoup de paludisme. En effet, c'est une maladie génétique qui peut concerner les deux allèles que chacun de nous a issus de notre père et de notre mère. Si un des seuls allèles et un des seuls gènes qu'on a reçus est concerné, on est mieux protégé contre le paludisme. Donc, c'est un avantage en ce qui concerne une sélection éventuellement naturelle. Par contre, si par malchance on récupère les deux gènes à la fois du père et de la mère, on a une drépanocytose maladie qui est une maladie sévère. Donc ça, par exemple, c'est une particularité qui est bien connue dans les populations d'Afrique subsaharienne, mais aussi le pourtour méditerranéen parfois. Et dans les populations européennes, par contre, on a la problématique de la mucoviscidose, qui est une maladie assez connue, qui est assez peu fréquente en dehors de la région européenne et qui serait en fait liée à une protection génétique contre le choléra. Hein, vous savez que le choléra, c'est en fait une diarrhée extrêmement profuse. La mucoviscidose, c'est des particularités génétiques où on a tendance à retenir en fait les sécrétions et donc c'est comme une sorte de protection. Effectivement, on peut concevoir que ça protège contre le choléra. Voilà, donc c'est là, deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Benjamin Chaigne, est-ce que vous voyez d'autres exemples de ces ruses de l'évolution qui font qu'à une époque donnée, à un endroit donné, une mutation génétique a pu nous protéger contre certains pathogènes et donc a pu ensuite favoriser la survenue d'autres maladies? L'évolution, elle est aussi liée à la recherche, parce que les deux exemples qui viennent d'être cités sont aussi des exemples de maladies génétiques à proprement parler, où finalement, issue de ce gène, la protéine ne fonctionne plus. Et donc, la maladie est issue de ça. Maintenant, avec les grandes études épidémiologiques, et surtout dans les maladies auto-immunes, ce que l'on voit aussi apparaître, c'est la notion, enfin, ce qu'on a vu apparaître, c'est la notion de prédisposition génétique, où cette fois-ci, il n'y a pas de mutation avec des fonctions qui sont altérées, c'est juste la présence d'un gène ou d'un allèle qui est associé à une plus grande prévalence d'une maladie. Ça, on le voit dans beaucoup de maladies auto-immunes, avec, par exemple la sclérodermie systémique, dont on pourra parler probablement. Ça, c'est un exemple. Et parfois même, certaines prédispositions alléliques sont tellement importantes qu'on peut les utiliser en outil diagnostique. Vous avez parlé de l'intolérance au lactose. Dans la maladie cœliaque, qui est cette maladie auto-immune, on peut rechercher la prédisposition génétique comme un élément diagnostique. Donc on a fait énormément de progrès et cette utilisation de prédisposition peut être utile parfois en diagnostic. Elle ne fait pas tout. Ce qui est très important à mon sens, c'est vraiment de différencier les maladies génétiques où on a une fonction de protéine qui est altérée, de prédisposition génétique, où là, c'est juste la présence d'un allèle. Ce qu'on peut appeler un facteur de risque et qui va réclamer, du coup, d'une certaine façon, un suivi médical adapté ? Pas forcément. C'est parce que c'est, faut le rappeler, la façon dont on retrouve ces prédispositions, c'est on prend des populations malades et on regarde si on retrouve certains allèles plus fréquemment que d'autres. Et parfois, on peut trouver fréquemment des allèles sans que ça soit des éléments de surveillance à nécessité. C'est juste des constatations épidémiologiques, des associations. Antoine Mahé, on parle beaucoup de biologie, de génétique depuis tout à l'heure. Il faut aussi rappeler un phénomène, c'est que une maladie, certes, est liée à certaines mutations génétiques, mais il y a aussi plein d'autres conditions qui rentrent en ligne de compte, des habitudes, des mauvaises habitudes alimentaires, par exemple, ou le tabac, l'alcool, la consommation de tabac, d'alcool, l'appartenance à certains milieux socio-économiques. Là aussi, quand on parle de prise en charge de cette diversité des situations, c'est des paramètres à prendre en compte. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez cité, à un moment, je me permets de revenir sur ce que vous avez dit, sur le modèle anglo-saxon qui permettrait une meilleure étude des particularités populationnelles. Bon, c'est la classique différenciation proprement raciale des États-Unis. J'emploie le terme à dessein parce que c'est celui qui est utilisé couramment. Les Africains-Américains, les Caucasiens, les Natives Américaines. Ça, est-ce que c'est un modèle ou est-ce que c'est trompeur ? En fait, le problème, c'est que ce sont des différenciations qui sont faites sur des facteurs partiellement génétiques, c'est seulement par proximité qu'on a une information génétique, mais beaucoup sociale et culturelle. Par exemple, on connaît bien la loi qui a été écrite à un moment, mais qui ne l'est plus, de la goutte de sang unique, la One Drop Rule, où en fait, on est africain-américain si on a un huitième de ses ancêtres, c'est-à-dire un grand-père, qui est lui-même africain-américain. Donc, les Américains utilisent beaucoup ces notions, mais qui sont assez peu scientifiques. Et il faut reconnaître que les résultats de leurs études sont souvent un petit peu ambigus. On se demande justement qu'est-ce qui revient à la génétique ou qu'est-ce qui revient aux conditions sociales, voire culturelles. L'hypertension artérielle mal contrôlée, par exemple, c'est plus fréquent chez les Africains-Américains et ça a été corrélé assez nettement à une mauvaise qualité de sommeil. Donc on voit que là, il y a peut-être des facteurs génétiques sous-jacents, mais il y a surtout des facteurs de conditions sociales défavorables très importants. Et je dois dire que souvent, c'est un petit peu difficile de faire la part des choses. Je pense que le collègue rhumatologue immunologiste sera d'accord entre ce qui est acquis et ce qui est constitutionnel. Benjamin Chêne, vous voyez plutôt d'accord avec le propos d'Antoine Mahé. Oui, je suis tout à fait d'accord, puisque c'est vrai qu'on voit parfois des abus sur ces tests génétiques qui sont proposés, avec parfois des patients qui viennent en consultation, qui ont fait ces tests, qui en plus ont souvent le malheur de coûter parfaitement cher pour les patients, alors que la donnée scientifique et la donnée de preuve n'est pas du tout démontrée. Et ce sont souvent des tests qui ne sont pas utilisés dans les recommandations, qui ne sont pas recommandés par les sociétés savantes et qui génèrent en plus une anxiété pour nos patients qui sont très importantes. Donc je pense qu'il faut faire très attention avec ces tests et les utiliser à bon escient et surtout lorsqu'ils sont recommandés. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. On poursuit dans notre émission autour de la prise en charge de la diversité par la médecine et on évoquait tout à l'heure ces deux cas typiques de la drépanocytose et de la mucoviscidose comme maladies liées à certaines mutations génétiques. Estelle M. Dietrich, vous, votre domaine, c'est la pharmacogénétique. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en décrire les grands principes et ensuite nous dire comment vous vous impliquez dans cette recherche de meilleure adaptation des traitements selon les maladies? Oui, en effet. Alors, le foie est l'organe responsable du métabolisme des médicaments, mais également il permet de détoxifier les substances exogènes, les aliments de notre organisme. Et donc, sa composition enzymatique s'est modifiée au cours de l'évolution, s'est adaptée aux différents régimes alimentaires et à l'environnement des populations, aboutissant par pression de sélection à une expression variable de ces différents systèmes enzymatiques dans l'ensemble de la population mondiale. Si on prend un exemple, le cytochrome 2D6, qui est l'enzyme hépatique la plus polymorphe, qui métabolise 25% des médicaments mis sur le marché, on peut identifier 4 groupes phénotypiques en population générale, dont les deux extrêmes que l'on qualifie de métaboliseurs lents, qui vont présenter un déficit enzymatique quasi complet, et l'autre extrême correspond à des métaboliseurs ultra rapides, donc qui ont un métabolisme accéléré. Donc ces groupes phénotypiques ont des fréquences différentes selon leur origine géographique, et on a observé qu'il y avait plus de métaboliseurs lents du cytochrome 2D6 dans la population caucasienne, alors qu'au contraire, on avait plus de métaboliseurs ultra rapides dans des populations plus d'origine africaine. Donc si on résume ça, comment est-ce que finalement on l'explique, cette différence de métabolisation de certains traitements selon certaines populations ? Alors, déjà, il y a des projets européens de génotypage qui ont permis de rechercher en fait ces variants génétiques dans différents groupes de populations d'origine géographique. Et puis ensuite, on s'aperçoit que pour un même médicament administré à une même posologie, on va observer dans une population large une réponse fort heureusement normale pour quasiment 80% des patients, et ensuite des extrêmes qui vont présenter soit plus d'effets indésirables, soit une meilleure réponse pour certains. Et donc c'est en s'intéressant à cette variabilité de réponse au traitement que l'on a identifié ces polymorphismes génétiques. Mais à l'heure actuelle, compte tenu des brassages génétiques et des mouvements migratoires, plus que l'ethnie ou l'origine géographique, il faut s'intéresser à ces variants génétiques qui peuvent modifier l'activité de ces systèmes enzymatiques hépatiques impliqués dans le devenir du médicament dans l'organisme. Si intéressé, Estelle M. Dietrich, ça signifie quoi ? Ça signifie du coup trouver de nouveaux traitements pour ces patients qui vont avoir une réponse plus ou moins forte à une molécule chimique, à une drogue, ou bien est-ce que au contraire ça va être plutôt de sensibiliser les médecins dans le moment de la prescription à ce risque qu'une minorité de leurs patients puissent réagir d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Ça veut dire que pour certains médicaments qui ont des marges thérapeutiques étroites et pour lesquels on a identifié des facteurs génétiques, aller rechercher ces variants avant la prescription pour permettre une adaptation posologique. Mais on est bien d'accord que ça ne représente qu'une minorité de médicaments sur l'intégralité de ceux qui sont actuellement présents sur le marché. On ne parle pas du paracétamol, là on va parler de traitements très spécifiques. Quel type de traitement par exemple ? Par exemple, ça peut être un traitement immunosuppresseur qu'on utilise dans la prévention des rejets de greffe, qui avait été testé dans des études cliniques plutôt dans des populations à haut revenu, et on s'est aperçu que des patients qui avaient une autre origine géographique présentaient des rejets aigus de greffe de manière plus importante lorsqu'on introduisait cet immunosuppresseur à la posologie qui avait été validée dans les essais cliniques. Donc, on a recherché ces causes génétiques et on s'est aperçu qu'on avait une expression d'une enzyme qui était plus importante quand le patient avait une origine géographique africaine dans des régions arides qui permettaient en fait de retenir l'eau, de limiter l'élimination rénale des différents sels. Et cette enzyme métabolisait donc des composés endogènes, mais également était responsable du métabolisme de cet immunosuppresseur. Benjamin Chaigne, sur cette question de la prise en charge, en tout cas de la prise en compte de cette variabilité génétique au moment du choix des traitements les plus adaptés. Je pense que ça dépend de qu'est-ce qui a été démontré. Il y a des polymorphismes génétiques qui sont associés à une meilleure efficacité ou une moins bonne efficacité. Donc ça, on va le faire en amont avec cette question qui est posée. Ensuite, il y a des polymorphismes qui peuvent être associés dans le cadre du médicament à la survenue d'effets secondaires. Et ça peut conduire à contre-indiquer un médicament spécifiquement pour une personne. Donc ça dépend toujours de qu'est-ce qui a été démontré. Est-ce que le polymorphisme génétique va contre-indiquer ou limiter mon indication thérapeutique? C'est une première question. Ensuite, dans le domaine de la recherche sur les progrès génétiques, on peut aussi être amené à se dire ce groupe de population va peut-être mieux répondre à un traitement qu'un autre, et donc ça permet aussi de repositionner les médicaments. De plus, et je rajouterai à ça que sur le polymorphisme génétique, quand on reprend des études de population et qu'on retrouve des polymorphismes génétiques ou juste des présences alléliques, parfois on peut se dire tiens, cet allèle, je sais qu'il appartient à ce gène, dont la fonction du gène est telle fonction, peu importe la fonction, mais dont on sait qu'il y a un médicament qui agit sur cette fonction. Et sur ces grandes études, on peut faire du repositionnement de médicaments basé sur la prédisposition allélique. Donc, repositionnement, c'est-à-dire aller chercher un médicament qui avait été développé à l'origine pour le traitement d'une autre pathologie et puis s'en servir pour une pathologie qui n'était pas censée viser à l'origine. Exactement. Il y a eu une publication cette année sur la maladie de Raynaud, donc les doigts qui deviennent blancs au froid, qui est quelque chose de très très très classique et qui n'est pas forcément associé à une maladie auto-immune, mais qui peut l'être. Il y a une étude, ce qu'on appelle une étude GWAS, donc une étude de génome, et qui a montré qu'il y avait des prédispositions alléliques qui pouvaient permettre d'envisager l'utilisation de traitements qui sont habituellement utilisés en psychiatrie. Donc pas du tout sur cette indication. Il y aura peut-être des essais cliniques qui vont venir pour tester cette indication, mais c'est une très jolie démonstration de repositionnement à partir de prédispositions alléliques. Antoine Mahé, sur cette dimension pharmacologique de la prise en compte de la diversité des populations et de leur suivi médical. Alors, il y a des choses simples qu'on peut anticiper. Par exemple, le docteur M. Dietrich aurait pu aussi citer le déficit en G6-phosphate déshydrogénase, le G6. Alors, expliquez-nous ce que c'est, parce que là, c'est un peu... de très connu. Expliquez-nous. Qui est connu depuis assez longtemps, qui est donc un déficit enzymatique dans certaines populations qui, encore une fois, améliore la protection contre le paludisme et donc qui entraîne, quand on prend certains médicaments, une possibilité de destruction des globules rouges par hémolyse. Mais maintenant, ça c'est connu depuis longtemps, on le fait systématiquement avant de prescrire certains médicaments dont on sait qu'ils peuvent avoir cet effet secondaire, et donc c'est plus particulièrement dans certaines populations, on va dire pourtour méditerranéen et Afrique subsaharienne. Pour les médicaments modernes, c'est assez difficile, en fait, je pense, d'anticiper sur une éventuelle grande différence de réponse. Et c'est vrai que petit à petit, on arrive quand même à identifier certains systèmes enzymatiques qui, s'ils sont concernés, certains cytochromes P450, etc., peuvent être associés à un polymorphisme de réponse populationnelle. Donc ça, petit à petit, on progresse. C'est un travail long et un petit peu de bénédictin. Je voudrais quand même dire une chose à ce propos, c'est qu'il peut aussi y avoir des fausses pistes. Et je voudrais citer notamment un médicament qui est aux États-Unis, qu'on n'a pas en France, qui a une indication sur l'insuffisance cardiaque des Africains-Américains, qui est une indication spécifique. C'est un des seuls médicaments au monde qui a une indication comme ça, à proprement parler ethnique. En fait, ce bidil, il s'avère rétrospectivement que c'était une affaire un petit peu commerciale, orientée vers une association thérapeutique qui marche sans doute un petit peu chez tout le monde, peut-être un petit peu mieux dans certaines populations, mais c'est absolument pas démontré. Mais comme l'étude menée aux États-Unis justement sur une population africaine-américaine, hein, là on est encore une fois dans les limites de cette distinction, La Federal Drug Administration des États-Unis l'a autorisé dans cette catégorie de population. Et ce qu'on craint, en fait, c'est que pour des raisons un petit peu commerciales, artificielles, ce médicament ait été donné prioritairement dans ces populations, alors que ces populations auraient bénéficié en première intention plutôt d'un traitement classique de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez, il faut être assez prudent là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'est. L'expérience du BDIL montre qu'il ne faut pas non plus exagérer l'importance de ces facteurs, ou en tout cas faire n'importe quoi. Estelle Amdietri, sur cette expérience, enfin ce cas un peu typique du BDIL et ce côté un peu niche marketing et financière d'un traitement adapté à une certaine population, là on touche du doigt aussi les limites aussi potentiellement d'une suradaptation de traitement à certains groupes de population donnés. Quel souvenir vous gardez de cette affaire-là, ou en tout cas quel regard vous portez dessus, et qu'est-ce que ça dit selon vous des potentiels écueils qu'il va falloir éviter en matière de pharmacologie? La difficulté, ça, elle revient finalement sur l'interprétation des résultats dans les essais cliniques, où on ne peut avoir une conclusion que sur le critère de jugement principal. Et donc, ça aussi, on l'enseigne au cours des études de médecine, à se méfier des analyses en sous-groupe ou des conclusions qui sont tirées sur les critères de jugement secondaire qui ne permettent pas de valider le médicament sur ces principes-là. Donc, ça, c'est la première chose. Vraiment réaliser une lecture critique d'articles et être vigilant aux conclusions que les industriels peuvent tirer à partir de ces essais thérapeutiques. J'ai l'impression que depuis les années 80 et maintenant, les industriels se sont quand même un peu emparés de cette notion d'évaluation de la diversité dans les essais thérapeutiques, et on n'est plus seulement à inclure des populations d'hommes âgés entre 18 et 45 ans, d'origine caucasienne, sans comorbidité, où on essaye de prendre en compte cette variabilité, d'autant plus si on a des éléments pharmacologiques qui nous incitent à l'étudier. Et c'est notamment le cas d'un médicament en cardiologie qui a été mis sur le marché récemment, qui permet de réduire la contractilité myocardique. Et on s'est aperçu que compte tenu de sa grande variabilité pharmacocinétique qui était due à la présence ou l'absence de l'expression d'un chromosome donné, il fallait rechercher avant la prescription le génotypage de ce variant pour permettre d'éviter une surexposition à certains patients et du coup garantir une sécurité d'utilisation pour éviter une dysfonction systolique. Donc ce médicament qui est en accès précoce en France là depuis septembre 2023 a vraiment été évalué dans les essais cliniques dans différentes populations pour faire la preuve de sa sécurité, et ça c'est important de le rappeler, c'est finalement tout l'enjeu d'un essai clinique, c'est démontrer l'efficacité du traitement. Mais les agences vont devoir évaluer cette balance bénéfice-risque, et bien souvent, elle n'est pas suffisamment abordée dans les essais cliniques. Et c'est pour cette raison qu'on a tout un réseau de déclarations de notification d'effets indésirables qui est réalisé au cours de la vie du médicament pour permettre de remonter des éléments de sécurité et réévaluer cette balance bénéfice-risque. Et cette question notamment que vous évoquiez, Estelle M. Dietrich, de test de génotypage avant de la prescription du médicament, elle sera au cœur par exemple des ateliers de GIEN en juin 2024 qui regroupent les acteurs de la recherche clinique et de la pharmacologie. Donc là aussi, comme le disait Antoine Maillet tout à l'heure, on avance et ce sont des questions quand même qui sont prises en compte de façon de plus en plus importante. En effet, l'information, on l'aura finalement tôt ou tard, qu'elle soit bien identifiée dans les essais cliniques ou après la commercialisation du médicament. Et tout l'enjeu maintenant, c'est d'essayer d'utiliser au mieux ces données, d'essayer d'implémenter ces données de pharmacogénétique, faciliter la diffusion des tests en France qui, pour l'instant, ne sont pas remboursés, ne font pas partie des actes de biologie et qui du coup limitent en fait leur utilisation dans la prise en charge de nos patients. Restez avec nous parce que justement on va poursuivre cette émission sur la médecine de la diversité. On va voir ce qu'il reste à faire notamment dans le domaine de la pédagogie. On parlera bien sûr de votre diplôme médecine de la diversité à Strasbourg. Ce sera juste après ça. Summer, same way in the fall. You done me wrong one day, baby, now that's all. Come on and take your medicine, be just like you give it to me. I'm gonna give you your medicine, woman, just like you give it to me. Like a dummy, sitting on your knee. You got another guy's hat hanging, why mine ought to be. Come on and take your medicine, woman, just like you give it to me. Gal, I'm gonna give you your medicine, just like you give it to me. You treat me like a mule in a stall. When you don't feed me, I don't get nothing at all. Come on and take your medicine, baby, just like you give it to me. Gal, I'm gonna give you your medicine, just like you give it to me. Medicine Man Blues par Big Bill Brunzi dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la prise en compte de la question de la diversité en médecine et en pharmacologie. Nous en parlons avec Antoine Mahé, Estelle M. Dietrich et Benjamin Chaigne. On en arrive à présent au reportage du jour et on se pose la question de l'influence de l'origine ethnique dans l'expression de la sévérité d'une pathologie cette fois. À ce sujet, la sclérodermie systémique est un exemple qui commence à faire l'objet d'études cliniques. Pour comprendre les différences ethniques véritables des impacts de cette maladie, Céline Lozen, vous vous êtes rendue au service de rhumatologie de l'hôpital Cochin. Bonjour Céline. Bonjour Antoine. Oui, alors la sclérodermie systémique est une maladie auto-immune qui induit le développement anormal d'une fibrose ou bien d'une sclérose de la peau, des vaisseaux ou autres tissus conjonctifs. Si la pathologie existe partout dans le monde, les facteurs géographiques et ethniques sont encore mal connus. Le docteur Jérôme Avouac, rhumatologue, a étudié ce phénomène et la comparaison phénotypique révèle que les patients afro-européens atteints de cette maladie sont plus susceptibles de développer une forme sévère que les patients d'origine caucasienne. Ces conclusions invitent alors, selon lui, à intégrer davantage ces populations dans les essais cliniques. La sclérodermie systémique, c'est une maladie qui fait partie des maladies orphelines. Il y a environ 10 000 patients qui sont atteints de cette maladie en France, qui touche beaucoup plus les femmes. C'est une maladie auto-immune qui est caractérisée par deux ou trois types de problèmes. Il y a des problèmes vasculaires qui touchent les tout petits vaisseaux de l'organisme. Ça va donner par exemple le syndrome de Raynaud, les doigts qui changent de couleur au froid, avec parfois des risques d'ulcération digitale. Ça peut aller jusqu'à parfois des complications comme des gangrènes, des nécroses digitales. Donc ça, le côté vasculaire, c'est la première grande partie de la maladie. Et puis la deuxième grande atteinte, c'est la fibrose. Sclérodermie, sclérose, fibrose, c'est pareil. Donc sclérodermie, c'est une fibrose du derme. C'est-à-dire que la peau va devenir très dure, cartonnée. Et donc ça peut être plus ou moins étendu en fonction des patients. Et puis cette fibrose, elle touche la peau. Ça, c'est la caractéristique de la maladie. Mais elle peut toucher les organes, et en particulier le poumon. Il y a ce qu'on appelle une pneumopathie interstitielle, une inflammation du poumon, qui devient ensuite de la fibrose du poumon, qui malheureusement va être la première cause de décès dans la maladie. Oui, c'est une maladie auto-immune dont on ne connaît pas bien les causes finalement, et qui touche une grande catégorie de diversité de population. Oui. Alors, on ne connaît pas la cause, ça c'est vrai. On pense qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, notamment l'exposition à la silice, l'exposition à des solvants. Je pense que ça peut être des facteurs environnementaux qui, combinés à la génétique, conduisent au développement de la maladie. Et puis après, vous avez raison, il y a une très grande hétérogénéité de cette maladie. Et puis elle va toucher des populations aussi différentes. Elle va beaucoup plus toucher les femmes à partir de 45-50 ans. Et c'est vrai que sa sévérité va dépendre aussi de certains facteurs, dont les facteurs ethniques. Alors justement, vous avez étudié l'influence de l'origine ethnique dans cette affection. Quels ont été les objectifs de cette étude et son protocole ? Alors, en fait, on est parti du principe qu'on avait l'impression, quand on recevait les patients en consultation, en hospitalisation, que les patients qui étaient à peau noire étaient plus sévères. Et on avait l'impression que les atteintes d'organes et la sévérité de la maladie étaient différentes entre les patients afro-américains et des patients qui étaient des patients blancs. Donc on a voulu voir si en France c'était la même chose en comparant les atteintes d'organes et les caractéristiques de la maladie entre les patients à peau blanche et les patients à peau noire. Les organes, on parle du système digestif, cardiovasculaire, oui. Des tissus conjonctifs. Alors oui, c'était les atteintes, bien sûr l'atteinte de la peau, mais aussi les atteintes des organes internes, dont le poumon. Les manifestations digestives aussi en faisaient partie, parce que c'est une maladie effectivement qui peut toucher aussi beaucoup le tube digestif. Il y a du reflux, des problèmes gastriques ou intestinaux avec cette maladie. Donc on a voulu regarder effectivement dans tout le spectre de la maladie s'il y avait une différence entre les différences avec l'ethnie. Et donc on a regardé à un instant T les caractéristiques des malades. Sur 425 malades sont suivis dans les deux centres, 105 malades à peau noire et 320 malades qui sont à peau blanche. Et donc on les a comparés pour les différentes caractéristiques de la maladie à un instant T, pour voir s'il y avait des éléments différents entre les deux populations, ce qui a été le cas. Parce que finalement, les patients à peau blanche étaient plus âgés, et on s'est aperçu que les patients qui étaient à peau noire avaient des atteintes plus sévères, notamment l'atteinte de la peau, également plus d'ulcérations digitales, donc les fameuses complications du syndrome de Raynaud, elles étaient aussi plus fréquentes chez les patients à peau noire. Et puis aussi plus de maladies pulmonaires interstitielles, donc cette fameuse fibrose pulmonaire. C'était plus fréquent donc, dans cette population-là. Donc qui corroborait un peu l'impression qu'on avait et la littérature dans d'autres pays qui montrait que la sévérité de la maladie est plus importante chez les patients à peau noire. Comment ces résultats peuvent être pris en compte pour améliorer la prise en charge de ces patients en particulier et des patients en général ? Je pense que ça peut être pris comme une espèce de signal d'alarme. C'est-à-dire on sait que les patients qui ont une maladie qui rentre dans la sclérodermie systémique, s'ils ont une forme diffuse de la maladie avec un certain type d'auto-anticorps, notamment les anti-topoisomérases, qui sont les anticorps qui sont associés à la sévérité de la maladie. Donc un patient qui rentre dans la sclérodermie qui a ces anticorps, qui a une forme diffuse, s'il en plus il est à peau noire, ça va lui conférer un risque supplémentaire d'avoir une maladie sévère. Et donc ça doit déclencher un espèce de signal d'alarme chez nous en disant « Attention, ce malade est à risque de forme sévère de sclérodermie, donc il faut qu'on le surveille de manière plus rapprochée, qu'on soit un peu plus agressif dans le traitement pour empêcher les complications graves de la maladie, notamment pulmonaire, cardiaque, rénale. » L'aspect positif, c'est qu'on dispose de marqueurs biologiques pour quantifier ça et mieux prévenir évaluer ces anticorps. C'est une bonne question. Alors, oui et non. On a le profil d'anticorps qui peut nous guider parce que les anticorps sont mutuellement exclusifs et certains sont vraiment associés à certains risques de la maladie, dont les anticorps anti-topoisomérase de type 1. Donc eux, ils sont associés vraiment au problème pulmonaire, à la sévérité pulmonaire de la maladie. Donc c'est vrai que s'ils sont présents, c'est un signal de risque particulier. Et c'est vrai que si la peau est très étendue, ça signe une maladie qui peut être théoriquement plus sévère. C'est vrai qu'on a aussi l'atteinte articulaire, quand il y a des arthrites ou quand il y a des inflammations des tendons, au début de la maladie, c'est aussi un signe de sévérité potentielle. Donc c'est vrai qu'en mis bout à bout, tous ces petits signes mis ensemble, donc le caractère ethnique aussi, ça nous permet de nous dire, on a des malades qui seront à plus haut risque de progression de la maladie, mais on est encore loin de la médecine personnalisée où on pourrait dire pour chaque malade définir un risque très précis d'évolution. Ça, on ne sait pas le faire pour l'instant. Et en amont de la prise en charge, on parlait tout à l'heure des causes. Vous avez évoqué la piste génétique. Est-ce que, évidemment, l'impact environnemental a son importance? Est-ce que ça vous oblige aussi à dialoguer avec d'autres corps médicaux pour mieux comprendre l'environnement global du patient? Ah, et ça serait des études à faire. Vous avez tout à fait raison. Regardez un peu ce qu'on appelle l'exposome, à quels risques sont exposés les patients. Et pour regarder l'exposome, on a besoin de mieux comprendre quels sont les facteurs de risque associés. On en a identifié certains, mais il y en a beaucoup qui restent inconnus, mais c'est vrai qu'une fois qu'on les aura identifiés, c'est sûr qu'on pourra essayer de quantifier ce risque d'exposition pour mieux définir aussi le risque d'évoluer vers la maladie. Mais pour l'instant, on a du mal à le quantifier. Merci beaucoup Céline Lozen pour ce reportage. Benjamin Chaigne, on jouait un peu à domicile là dans ce reportage, à l'hôpital Cochin, c'est là où vous travaillez, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on est centre de référence, notamment pour la sclérodermie systémique. Dans les réactions qui me viennent, c'est vrai que la sclérodermie systémique est dans ces études de prévalence, qui sont les études pour évaluer le nombre de patients qui sont dans la maladie. Dans la sclérodermie, de façon un peu historique, les études de prévalence ont montré qu'il y avait une population très particulière chez qui la prévalence, donc on peut dire la fréquence de la maladie, était extrêmement importante. C'était les Indiens Choctaw, qui sont une population d'Oklahoma aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, où vraiment la prévalence de la maladie était extrêmement importante. Et ça, c'est vraiment spécifique à la sclérodermie. Donc c'est un très bel exemple aussi de prédisposition génétique au sein d'une population. L'autre chose dans la sclérodermie, c'est vrai que la couleur de peau, souvent, est un élément qui fait dire que peut-être on a des formes plus à risque, mais qui se prend dans son ensemble, avec effectivement l'aggravation cutanée, mais aussi le type d'anticorps, ce qui est souvent vrai dans les maladies auto-immunes. C'est donc un ensemble de choses qui font dire est-ce que c'est une maladie grave, est-ce que c'est une maladie évolutive, est-ce qu'il faut qu'on traite le malade. Et c'est vrai que dans les maladies rares, on en vient souvent maintenant dans les études cliniques à se dire je veux inclure des malades qui sont plus à risque. Et donc on prend l'ensemble de ces éléments pour ce qu'on appelle enrichir la population au sein d'un essai clinique. Et donc, ce qui m'évoque, c'est qu'il faut vraiment prendre les malades dans leur globalité, que ça soit dans les études cliniques, que dans la prise en charge. Et c'est très vrai pour la sclérodermie systémique. Antoine Mahé, on entendait dans ce reportage que l'intensité des symptômes pouvait varier d'une population à une autre. Est-ce que, si on poursuit dans cette meilleure connaissance, dans le domaine de la médecine de la diversité, on peut parler aussi pour certaines maladies, par exemple, si on va du côté de la psychiatrie, de la nature différente de symptômes selon certains groupes de population, ce qui complique notre affaire encore plus? Voilà, alors je voudrais déjà rebondir sur ce que a dit le collègue rhumatologue, c'est que toutes les maladies auto-immunes, en fait, systémiques, notamment lupus érythémateux disséminé, sont plus fréquents dans les populations d'origine non européenne. En fait, d'ailleurs, on devrait plutôt dire que les Européens sont moins à risque pour ces maladies auto-immunes qui sont plus fréquentes dans les populations d'origine africaine, mais également asiatique, polynésienne. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on prend conscience de cette gravité potentielle, là je parle du lupus érythémateux disséminé, comme il est pris en charge aux Antilles françaises, où donc on a une population d'origine africaine, puisqu'on est conscient de cette gravité potentielle plus importante, on a adopté un protocole de traitement par principe plus agressif, entre guillemets, c'est-à-dire plus actif. Et de cette façon, on rattrape le mauvais pronostic intrinsèque de cette maladie dans les populations martiniquaises, par exemple, où c'est très bien connu. Et ceci se compare très favorablement par rapport aux États-Unis, où on a le risque génétique d'une part, pour son lupus, mais également le risque social qui fait qu'on n'a pas accès aux spécialistes. Alors maintenant, pour parler d'autres facteurs que génétiques, bien sûr, c'est très important. Et pour s'en convaincre, il y a l'exemple de la psychiatrie. L'expression des symptômes des grandes maladies psychiatriques, comme par exemple la dépression nerveuse, diffère considérablement selon les populations. Une dépression, je ne vais pas résumer les symptômes chez les populations d'origine européenne, mais par exemple, c'est bien connu que dans certaines populations d'Afrique subsaharienne, la dépression peut se manifester avec un masque hallucinatoire délirant. Mmh. Et donc, il faut quand même être bien conscient de cette variabilité des symptômes pour ne pas porter abusivement un diagnostic, par exemple, de schizophrénie, devant une bouffée délirante qui ne serait qu'un symptôme masqué de dépression. C'est très intéressant parce que ça nous replace dans toute la complexité de vos métiers et bien sûr devant oui. la complexité de ce sujet qui est le nôtre aujourd'hui, de la meilleure prise en compte de cette diversité, qu'elle soit génétique ou culturelle, même parfois, comme c'est le cas là, on le voit dans la psychiatrie ou bien même dans la manifestation des symptômes. Estelle M. Dietrich, tout à l'heure, on parlait de la plus grande acuité aussi potentielle des recherches cliniques ou en tout cas de la représentativité des panels qui vont être sélectionnés dans le cadre d'études cliniques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que on peut dire que finalement, quand on conduit une recherche clinique pour développer un médicament, on a un panel qui est globalement plutôt beaucoup plus représentatif aujourd'hui qu'il ne l'était avant de la diversité de nos sociétés? Beaucoup plus représentatif. Moyen. Question de curseur, oui. Mais en tout cas, on veut en tout cas beaucoup plus prendre en compte cette diversité. Alors, tout comme la diversité ethnique, hein, c'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, mais il y a également au niveau du sexe mm-hmm. où on se rend compte que on n'a pas les mêmes réponses selon que l'on soit un homme ou une femme. Donc, l'industrie du médicament est sensible par rapport à ces questions-là. On essaie d'inclure et de favoriser les inclusions et de faire des études multicentriques pour avoir justement des panels populationnels les plus larges possibles, tout en gardant bien sûr en tête que l'efficacité, la démonstration de l'efficacité du médicament dans la population incluse doit être la plus proche possible de la population qui va devoir bénéficier du médicament ensuite ultérieurement. Et les agences réglementaires essaient vraiment de pousser les laboratoires pharmaceutiques à aller vers cette démarche-là. Antoine Mahé, nous reste 2 minutes dans cette émission. On peut pas non plus évacuer la question de la formation aussi des scientifiques, mais aussi des médecins qui vont être confrontés à leurs patients dans leur cabinet, dans toute leur diversité. Vous dirigez un diplôme universitaire à l'Université de Strasbourg intitulé Médecine de la diversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous en dire l'importance aussi de ce volet pédagogique? Oui, merci. Alors, en fait, on part justement de la dermatologie où les différences sont évidentes de prise en charge. Et d'ailleurs, je regrette à ce niveau, pour faire le lien avec ce qu'a dit le docteur M. Dietrich sur les essais thérapeutiques, on manque d'essais thérapeutiques en dermatologie plus particulièrement qui se focalise sur le symptôme prépondérant dans les populations à phototype foncé, c'est-à-dire souvent l'hyperpigmentation ou l'hypopigmentation. Et tout récemment, d'ailleurs, est parue une étude d'une biothérapie donc des tout nouveaux traitements dans la dermatite atopique qui, pour la première fois dans l'histoire de la dermatologie, a montré un effet favorable sur un symptôme qui n'est présent que dans les populations à phototype foncé, à savoir une hyperpigmentation. Et donc, il en faudrait beaucoup plus dans des études comme le vitiligo. Par exemple, on parle beaucoup d'une nouvelle classe thérapeutique qui sont les anti-JAK. On n'a pas d'études spécifiques dans les populations à peau noire. Ça, c'est regrettable. Mais donc, pour ce qui est de la formation, eh bien, oui, il faut s'adapter. Et donc, nous, le DU qu'on propose, eh bien, ça concerne la dermatologie, mais aussi la psychiatrie, la pharmacogénétique, avec justement l'intervention du docteur M. Dietrich, les maladies de système, le lupus, etc. Il y a beaucoup d'autres domaines. Alors, c'est vrai que la médecine est globale et elle est identique chez tous les individus, mais il y a quand même un certain nombre de choses à savoir. Et moi, je pense par exemple que tout dermatologue, et l'anecdote que rapportait la jeune dame qui témoignait au début, qu'elle était refoulée par des dermatologues qui s'estimaient pas compétents sur une peau noire, je trouve ça très regrettable. Parce qu'en fait, au prix d'une formation, je pense quand même assez minimale, tout dermatologue doit être à même de répondre aux principaux problèmes. Et vous y employez de façon majeure avec ce diplôme. On va partager les informations sur notre site internet. Merci beaucoup à tous les trois, Estelle M. Dietrich, Antoine Mahé, Benjamin Chaigne, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. À présent, on retrouve comme chaque jour Alexandra Delbo et sa chronique Avec Science, aujourd'hui consacrée à l'organisation des fourmis. Comment se fait la spécialisation des reines chez les fourmis? C'est l'une des deux castes possibles pour une femelle, être ouvrière, c'est le plus probable, ou devenir reine. À l'origine de cette orientation des larves, il y a un ensemble de facteurs. On sait que les futures princesses ne sont pas nourries de la même manière que les futures ouvrières. Des gènes s'allument quand d'autres non, les ovaires se développent et les reines deviennent fertiles quand les autres restent stériles. Et les fonctions associées à chacune de ces deux castes sont distinctes. Les reines sont à la production et les ouvrières au reste. Elles vont défendre la colonie, s'occuper du couvain, donc des petits, ou encore creuser des tunnels. Une division du travail très nette, comme chez tout un tas d'insectes sociaux. La question qui se pose, c'est de quoi dépend cette spécialisation des reines? Romain Librec est chercheur CNRS à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à Tours et auteur principal de cette étude parue dans Functional Ecology. Il est globalement accepté dans la communauté scientifique, mais également dans le grand public, que ces reines sont en quelque sorte des machines à produire des œufs, que leur spécialisation dans la ponte est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dépendante des éléments extérieurs. Et donc, cette spécialisation des reines dans la ponte a été beaucoup étudiée, mais toujours les aspects reproducteurs. Il y a eu très peu d'études sur les comportements non reproducteurs des reines, et c'est notamment parce que les reines ne les expriment pas habituellement dans les colonies établies, les colonies matures. Pourtant, les reines vont exprimer ces comportements non reproducteurs lors de la fondation des colonies. C'est le seul moment dans le cycle de vie d'une reine, chez la plupart des espèces de fourmis, où cette reine va devoir exprimer des comportements non reproducteurs qui sont habituellement exprimés par les ouvrières. Et la raison est simple, c'est simplement qu'à ce stade, la reine est seule. Il n'y a pas d'ouvrière avec elle. Et oui, c'est elle qui va pondre ses ouvrières et c'est donc un moment charnière. Pendant la fondation de la colonie, la reine effectue d'autres tâches que la ponte, puis elle va se mettre à pondre. On dit qu'elle se spécialise, mais qu'est-ce qui régule cette spécialisation? Qu'est-ce qui déclenche ce comportement? Est-ce un facteur interne à la reine ou externe à elle, comme la présence de ses congénères ouvrières? C'est ce qu'a voulu tester cette nouvelle étude. Pour cela, ces scientifiques ont filmé des reines, tout juste matures, sur le point de fonder leur colonie, en présence d'un couvain qui avait besoin qu'on s'occupe de lui. Et le but est de regarder ce qu'il se passe quand on ajoute des ouvrières pour voir qui fait quoi. Mais il y a une petite subtilité méthodologique. Pour bien contrôler tous les paramètres, on ne peut pas attendre que des ouvrières naissent. Alors, il faut en prendre d'autres colonies, mais très jeunes elles aussi. Des ouvrières qui n'ont vu le jour que depuis 10 heures pour qu'elles ne portent pas sur elles l'odeur d'intruse. Résultat, quand les ouvrières ne sont pas là, eh bien, la reine fait des tâches d'ouvrière. Et c'est leur présence qui induit la spécialisation. Donc le fait d'avoir démontré que la présence d'ouvrières induit la spécialisation des reines dans la fondation des colonies nous a fait poser la question de savoir si dans les colonies établies, la présence d'ouvrières maintient la spécialisation des reines. S'il faut qu'il y ait toujours des ouvrières présentes pour que la reine ne s'occupe pas du couvain et se focalise strictement dans la production d'œufs. Et donc là, on a utilisé des colonies matures qu'on avait en laboratoire, où les reines étaient spécialisées depuis plusieurs années, et on les a isolées de leurs ouvrières, et on s'est rendu compte que ces reines isolées se remettaient à s'occuper du couvain, tout comme les reines fondatrices. Donc leur spécialisation est seulement apparente, elle est seulement due à la présence des ouvrières. Et comme ces résultats démontrent que la spécialisation des reines fourmis n'est donc pas intrinsèque, c'est quelque chose qui dépend des conditions dans lesquelles elles se trouvent, ben ça c'est en désaccord avec cette vue communément acceptée des reines fourmis comme étant des machines à produire des œufs et que cette spécialisation ne dépend pas des conditions externes. La spécialisation est donc déclenchée et maintenue par l'environnement social. La prochaine étape sera de mieux caractériser cet effet, mais les auteurs ont déjà une hypothèse. Imaginez une colocation. Chacun des membres a un seuil de tolérance différent à la vaisselle qui s'amoncelle dans l'évier. En clair, ce sont toujours les mêmes qui font le sale boulot. Mais si ces derniers partent en voyage, eh bien la vaisselle va s'accumuler et il faudra bien s'y mettre un jour au risque d'accepter de manger directement dans la boîte de conserve avec les mains. Dans notre cas, les reines fourmis n'aiment pas faire la vaisselle, alors que les ouvrières ont un seuil de tolérance très bas à l'accumulation de déchets. Elles vont donc faire la vaisselle à la place de la reine, comprenez, s'occuper du couvain. Reste maintenant à le prouver expérimentalement et à regarder si ce comportement est partagé chez d'autres insectes sociaux. Merci beaucoup Alexandra Delbon, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science.